Mesdames et messieurs, préparez-vous à embarquer sur l'arche. Vous êtes prêts ? Entrez dans l'atmosphère sur l'arche.fr. Bonjour, bonsoir à tous, ici Mathéo, votre capitaine de bord. Je vous annonce que vous êtes sur l'arche en compagnie de Cyprien. Salut à tous. Toutefois, nous allons traverser d'ici quelques instants une perturbation sonore de quelques dizaines de minutes. Bienvenue dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, on parle de tout, de musique, de vidéos, d'artistes en tout genre, mais aussi de nouvelles technologies. Aux commandes, vous découvrirez un duo de passionnés, motivés à partager avec les jeunes auditeurs de l'Arche. On commence tout de suite avec le sommaire de l'émission. Bienvenue à tous, très content de vous retrouver dans cette édition d'Atmosphère. Alors au programme aujourd'hui, on va vous faire découvrir de nouvelles technologies en passant d'une lune artificielle à des applications de ouf. On va recevoir Adam, un invité du jour, un superbe photographe. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles séries, un nouveau youtubeur. Et bien évidemment, on se fera du bon son. Il y aura Twitchies, 2TH, Vald, Overwake. On se balance tout ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous l'ai dit, je vais vous présenter une nouvelle série, Bodyguard, ça s'est sorti cet été sur Netflix. C'est une série anglaise, ou plutôt un feuilleton diffusé sur la célèbre chaîne BBC, et maintenant dispo sur Netflix ou en streaming. Alors ça raconte l'histoire d'un vétéran de guerre, avec encore quelques traumatismes des choses qu'il a vécues en Afghanistan. Il est plutôt jeune, il a environ 35 ans, il est devenu sergent de police à Londres. Alors il arrive, comme il le raconte essentiellement à l'épisode 1, à déjouer un attentat dans un train. Il est donc promu à la protection personnelle de personnalités politiques et se retrouve à protéger la secrétaire d'État à l'intérieur britannique, l'ambitieuse Julia Montague, dont la politique ultra-conservatrice représente tout ce qu'il méprise. C'est donc la base de l'histoire sur quoi repose la série, mais tout au long de cette série, David Budd, le personnage principal, va devoir jongler entre sa vie de famille, ses traumatismes de guerre, son boulot, ses complots et une relation amoureuse. C'est une série moderne, pleine d'action, de rebondissements et de suspense. Elle est composée de 6 épisodes, c'est d'une heure environ. J'ai eu l'occasion de la regarder et une série que je recommande beaucoup. Ça s'appelle Bodyguard et c'est disponible sur Netflix, toutes les séries en streaming. Si vous aussi vous l'avez vu après cette chronique ou les premiers à la visualiser, n'hésitez pas à partager vos impressions. Et je rappelle Atmosphère sur Facebook, restez à l'écoute, on s'envoie Sombre Soirée sur l'Arche. Y'a rien qui fait peur quand t'es dégoûté de tout. mort ou ce soir c'est la même, ça te fait pas de doute. Sombre soirée, bande d'enfoirés. Terre neuve dans un cercle de l'enfer, pas dans le carré. Dans l'atmosphère, en direct sur l'art. Alors là les gars, j'ai du très très lourd, je vais sélectionner deux applications qui vont pour certains révolutionner votre quotidien. Comme par exemple, quand tu commences le matin les cours à 8h, tu te réveilles à quelle heure Mathéo toi? Moi je me lève vers 6h. Eh ben 6h c'est tôt et c'est souvent pour ceux qui se lèvent tôt comme Mathéo une galère de se lever. Et là j'interviens et je vous présente l'appli qui va vous aider. Et là je vous dis c'était très lourd. Ça s'appelle Alarmy Sleep, pour certains le voir comme un réveil chiant mais pour certains ça va être une véritable aide. Alors le concept c'est très simple, c'est de configurer le lieu auquel il faudra désactiver le réveil. Alors ça peut être votre salle de bain, votre cuisine par exemple, photographier la pièce en question. Et quand l'alerte est retentie chaque matin, elle s'arrête pas tant que vous n'êtes pas allé dans la pièce pour prendre une autre photo. Alors pour tirer pleinement profit de ce réveil casse-tête, prenez en photo une pièce dans laquelle l'éclairage reste constant pour que le programme puisse la reconnaître. Je trouve ça juste ouf. C'est vachement stressant, mais au moins ça te réveille et au moins t'es obligé d'être au taquet, c'est cool. Ouais bah oui. Et j'en ai une deuxième aussi, mais elle est plus connue je pense, on va dire, elle est plus pratique, ça s'appelle Rain Today. Alors ça propose de voir des alertes de pluie en temps réel et d'un radar à haute résolution basé sur les dernières innovations techniques de Météo Group. En fait c'est une carte du monde et on peut voir la Terre entière et voir les précipitations à la minute. En fait il suffit de déplacer un petit curseur et on peut voir en direct les nuages de pluie qui se déplacent au-dessus de ta ville ou au-dessus de n'importe quoi d'un pays. Donc du coup on peut prévoir que dans 16 minutes par exemple il va pleuvoir et le nuage va durer genre 18 minutes. Je trouve ça très pratique, je sais pas ce que t'en penses. Bah si, carrément, c'est hyper pratique, surtout à cette saison où le temps change du matin à l'après-midi pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on met. Tu peux voir quand les nuages arrivent quoi, et dès que les nuages passent au-dessus de toi, ben, tu peux voir combien de temps il dure du coup vu que tu le déplaces, tu le vois se déplacer au-dessus de ta ville, et du coup tu peux voir combien de temps il dure, enfin combien de temps il reste au-dessus de toi et combien de temps il pleuvra, et tu peux prévoir de combien de temps il pleuvra, et là c'est très très précis, genre à la minute près tu sauras qu'à 16h53 par exemple il va pleuvoir jusqu'à 17h33. Quoi. Enfin de la météo précise. Ouais, voilà. Alors merci d'être à l'écoute, c'est Cyprien en compagnie de Mathéo, vous écoutez Artmosphère sur l'Arge. On s'envoie un double son d'un artiste qui fait partie du Patapou Gang, le groupe de Bifty et DJ Widim. Il sort tout droit sa nouvelle mixtape qui s'appelle Two Cheese Nuit Plaisance. On s'écoute Two Cheese Miltech et Monster Truck sur l'Arge. Je de ma ville, sur les eaux territoriales je navigue. C'est bizarre, je comprends pas ça boycotté. Sur qui que je dois compter avant le top, que toi je m'anime mieux tout. Je suis que de passage, je ranime le taux. Si je sors de la beuh, j'en fais plein. Si je sors ma queue, je t'en fais qu'un. Si coma te donne mon train, cigare et beuh dans mes mains. Je suis dans les airs pour faire Paris à Calcutta. Autour de mon bide, la calcule pas, j'ai calcale toutes celles qu'on cupe là. Chison le sait, si t'entends parler, c'est que Chison le fait. Dans les restos, je n'ai pas d'addition. Je ne paye plus rien, je donne qu'un avis. Son. On regarde vos clips et nous analysons. C'est le front de ton youth, dit bientôt l'Eurovision. Ça fait bien longtemps que je paye plus rien. Je passe tout mon temps avec les miens. Je suis sauvé, moi je suis pas. Partout où je vais, y'a le matu plein. Je suis dans les airs, j'allume mon long truc. On fait que des gros crack. J'arrive en monster track. Je me roule à terre, hey. C'est que c'est de la frappe. Je plus en fripe maintenant. Si je veux péter de la sable. Je suis dans les airs, j'allume mon long truc. On fait que des gros cracks. J'arrive en monster track. Je me roule à terre, hey. Tu sais que c'est de la frappe. J'ai plus en fripe maintenant. Si je veux péter de la frappe. Dépenses illimitées. Je vois ces négros m'imiter. Tout est free. J'ai pas le temps de polémiquer. Programmé pour les niquer. Tout est free. Je suis dans l'hôtel avec elle. Elle veut qu'elle a la dalle. Je suis avec tout cheese. Je devais juste rouler un terre. Putain, j'ai pas calculé. J'ai tout est free. Yeah. Ils me portent l'œil en faisant leur prière. Si je veux claquer, je regarde pas le prix. Yeah. A priori, dans ce truc, je suis le meilleur. Oh, hey. Je leur fous trop le seum, on les oublie comme Trill, Samy. Je veux que des grosses sommes, j'en vois beaucoup qui veulent flex comme nous. Je dois finir dans le top, je compte en banque à Cristiano. Je consomme la bonne drogue, hey, négro je suis fucked up. Slay. Je suis dans les airs, j'allume mon long truc. On fait que des gros tracks, j'arrive en monster track. Je me roule un terre, hey. Tu sais que c'est de la frappe. J'ai plus en fripe maintenant, si je veux péter de la sable. Je suis dans les airs, j'allume mon long truc, ouais. On fait que des gros cracks. J'arrive en monster track. Je me roule à terre, hey. Tu sais que c'est de la frappe. J'ai plus en fripe maintenant. Si je veux péter de la sap. Entrez dans l'atmosphère sur l'arche.fr. J'y vais franco, j'y vais sérieux. Je suis fortement mystérieux. Je fais la promo de mon produit qui est extrêmement savoureux. Boy, j'ai des parfums de fou, j'ai de la même croisée avec des noix de cajou. J'en ai des stocks, j'ai des tas de cagettes, des kilos de Frampton et des tas de canettes. Avec les potes, c'est fait ta raclette. Paquet de clopes, il se fait tard, j'achète. Il partage ses copines qu'il a pas de jacket. Et j'étale le rosine sur la barre d'après. Toi, t'es un bon Maggi, je vais t'embaucher en tant que fromager. Mets des notes cool, resto full, pourtant y'avait tant de souilles. J'ai des lèmes frais, restez vrai. Moi, c'est tout cheese, mic check. Pas de Gucci, non. Dans mon bain, je mets bouteille de bain. Je m'entends beaucoup marronner. Ceux qui veulent manger sur le marronnier. Vitres sont teints sur zen. Vitres sont toi sur elle. Ils font vite les anciens sur scène. Mais leur mif fait sans sein, tu le sais. Me sers pas de place en fromage. Boy, si tu veux pas que je sois sauvage. Si je ferme, ça serait dommage pour mes obsèques et mes hommages. Je veux une grande fête et du col. À le voir tous mes gars faire une collab. Tu verras tout cheese en collage sur les murs devant ton collège. Holy fire, holy fan. Dis, nouveau sponsor, je suis fan. Si on vous voit pas, il faut faire signe. Chez moi, y'a pas d'il faut faire signe. Folly fire, folly fan, dis, nouveau sponsor, je suis fan. Si on vous voit pas, il faut faire si. Chez moi, y'a pas d'il faut faire si. De retour sur Large dans l'émission Artmosphère. Alors n'hésitez surtout pas, comme l'a dit tout à l'heure Cyprien, à télécharger les applications. Donc d'abord l'application d'alarme, Alarmy, Sleep If You Can, et l'application de la météo. Rain Today. Aujourd'hui, on accueille Adam Le Sommaire dans notre studio. Adam, il est photographe amateur sur Vannes. Il a 17 ans. Bonjour. Salut à tous. Adam. Comment tu vas? Bah, très bien et toi? Bah, très bien, on est super heureux de t'accueillir. Depuis quand, bien de temps, fais-tu de la photo? Alors je fais de la photo, on va dire, sérieusement depuis 2 ans. Ouais. Donc je me suis lancé sur Instagram, sur avoir un meilleur matos. Mais sinon on va dire que je fais de la photo depuis que je suis tout petit. Avec ma famille, on fait tous de la photo, tous des voyages et on a associé les deux. Et du coup, ça a donné mon compte Instagram. Et tes parents faisaient de la photo aussi? Ils avaient déjà du matériel, etc.? J'avais déjà du matériel avec mes parents. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai eu le matériel de mon tonton, de mes grands-parents. Ça a toujours suivi, en fait. D'accord. Et donc, tu fais de la photo depuis 2 ans maintenant. Quelle est un peu ta ligne directrice, un peu, comment je dirais ça? Quelle est ta démarche en photographie? Est-ce que tu veux faire de la photo de paysage? Est-ce que tu as une photographie un peu engagée? Explique-nous un peu ta démarche. Alors en fait, moi, à la base, j'ai commencé. Je faisais que de la photo de paysage parce que j'avais pas forcément de contact ou de personne à prendre en photo. Mais une fois qu'on commence à se lancer dans la photo portrait ou même artistique, c'est-à-dire on va prendre des photos des gens en concert, des gens qui sont en train de faire du sport, il y a tellement de... Il y a tellement de types de possibilités. Alors moi, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est que tout faire, en fait, tout faire. Comme ça, à la sortie, à la fin de mes études, par exemple, je sais tout faire. Et si on me demande de faire tel travail, bah je peux réaliser. Tu auras déjà expérimenté. Du coup, je peux tout faire. D'accord. Donc tu parles d'études, c'est le métier que tu veux faire, photographe? C'est le métier que je voudrais faire. Après, en soi, photographe à son compte, est-ce que c'est ce que je sais pas vraiment si je veux faire ça. Ouais. Mais au moins travailler dans la photo, en fait. Et tu as déjà des pistes quand tu dis travailler dans la photo? Bah je travaille déjà avec quelques marques, avec quelques personnes. Mais sinon, en soi, des grosses pistes, pas vraiment. D'accord. Et donc du coup, là, t'es au lycée encore? Ouais. T'étudies des choses en rapport avec la photo ou pas du tout? Alors, pas du tout. Je suis en STI 2D, donc c'est une filière technologique qui parle du développement durable. Donc c'est une filière qui va baser sur les métiers de l'architecture, l'ingénierie et du génie civil, par exemple. D'accord. Donc on va dire que c'est un plan B si jamais la photo ça marche pas. Et donc du coup, après ton bac, que je te souhaite d'avoir, tu comptes partir dans une école de photographie? C'est ça. Alors en fait, ce que je voudrais faire, c'est soit directement partir dans une école de photo, ou alors faire peut-être un BTS avant pour apprendre tout ce qui est la partie technique. Et surtout en BTS, on apprend aussi à créer son entreprise et à se protéger, en fait. Ouais. Et donc ça, c'est très important parce que moi, je connais rien encore à ça. Moi, je fais de la photo, mais c'est amateur, quoi. Je touche pas vraiment de salaire, donc j'ai pas besoin d'aller déclarer. J'ai pas besoin d'être protégé, en fait, par rapport à d'autres personnes qui pourraient m'arnaquer entre guillemets quoi. Ouais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, après cette école là que tu projettes de faire, quel serait ton avenir un peu? Quel projet photo que tu voudrais mettre en place? Alors en fait moi j'aimerais bien travailler un peu dans le monde de la mode, c'est-à-dire que je travaillerai avec des marques, je travaillerai avec des personnes connues, mais j'ai en plus de ça aussi un petit rêve, tu vois, c'est vraiment partir habiter aux États-Unis, faire en fait habiter là-bas, faire des photos, ouais, et essayer de vivre de ça. Mais en premier, tu vois, vraiment me faire connaître, me perfectionner et faire mes contacts aussi. D'accord. Et donc des contacts, t'as commencé à en développer pas mal pendant cette année? Cette année, ouais, c'était pas mal, j'ai déjà eu pas mal de contacts. Puis grâce aussi à mes voyages, entre guillemets, parce que avec un copain, en fait, on part souvent une petite semaine. Donc là, on a fait Paris et cet été, on a fait Lyon. Et donc, en fait, on se fait des petits contacts. Moi, je contacte des gens pour avoir des spots, en fait. Et souvent, ça devient des, entre guillemets, des potes, tu vois. Ils te parlent constamment, ils te soutiennent, je les soutiens aussi. Et au final, bah, hop, tu commences à grandir ton cercle d'amis et de contacts, quoi. D'accord. Et ces personnes-là, tu les contactes comment quand tu arrives dans les grandes villes? En général, ça se passe sur Instagram. Parce que tu vois, c'est sur Instagram, c'est là où tout le monde met ses photos, en général, quand t'es photographe. Ouais. Ou sinon, justement, je demande à des gens que je connais, qui eux connaissent des potes. Et tu vois, ça se fait un peu ouais, plus. Toujours pas raison. C'est toujours pas raison, en fait. La photographie, ça marche plus comme ça. D'accord. Et donc, du coup, les voyages que t'as fait cet été, ça, c'était juste Lyon ou t'en as fait que d'autres? Alors là, du coup, j'ai fait Lyon avec un pote, donc on était tous les deux. Et j'ai fait le Mexique 3 semaines avec ma famille. Trop stylé. Ah ouais, ça c'était c'est vraiment lourd. Donc je suis parti à Playa del Carmen, c'est une petite ville, enfin une petite ville, une grande ville maintenant, qui a 1 heure de route de Cancun, je sais pas si vous connaissez. Bah de nom. De nom quoi. Et voilà, donc ouais, c'était vraiment sympa, 3 semaines de folie, des photos à plein sur mon Instagram aussi. Ouais, je dis ça. D'ailleurs, on invite les gens à aller voir ton compte Instagram, à dans le sommaire. Ouais, c'est évidemment. Ça. C'est là où on peut retrouver tout ton travail. Est-ce que tu fais tout ce qui est vidéo, ça t'intéresse ou pas? Alors en fait, ouais, la vidéo, ça m'intéresse vachement. Mais pour l'instant, j'ai pas encore vraiment eu la motivation pour apprendre tout ce qui est vidéo. Parce que là, je commence vraiment à me perfectionner dans la photo. Et donc, je me rends compte que j'ai un bon niveau. Et là, on commence à zéro directement de la vidéo, tu vois, ça fait un peu bizarre. Du coup, mais ça, c'est aussi un projet que je voudrais faire, tu vois, vraiment la vidéo. Tu peux pas. Enfin, maintenant, à notre âge, à notre époque, on peut pas juste faire de la photo. Faire de la vidéo, de la photo, du graphisme. Ouais, faut être complet pour pouvoir être. Faut vraiment complet, en fait. Et mais tout ce que vidéo, c'est plus. Si tu fais de la vidéo, ce serait plus. Faire des clips, des courts-métrages, des beaux paysages avec de la musique. Alors en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est ouais, par exemple des clips, ouais, de chansons, de rap, enfin, peu importe, mais aussi des vidéos voyages. Ouais, ça, c'est un objectif que j'aimerais bien faire. J'avais déjà réalisé des petites vidéos comme ça. Moi, c'est resté perso parce qu'il y avait ma famille dessus, mais c'était un bon début, quoi. Ouais, parce que vous maîtrisez tout ce qui est le logiciel de montage en plus et tout. C'est ça, ouais. Faut tout maîtriser. Et donc, du coup, en rapport toujours avec tout ça, tes projets, la photo, peut-être un challenge de se mettre à la vidéo, etc. Quels sont tes 3 vœux pour l'avenir? Quels sont tes 3 principaux vœux? Alors, ça serait de vivre de ma passion. C'est-à-dire que pas forcément gagner des sommes extraordinaires, mais vivre. C'est-à-dire qu'avoir une maison ou un appartement, avoir mon matos et pouvoir travailler dans ça tous les jours, quoi. Ça serait du coup d'habiter, moi, ça serait habiter à New York, en fait. Ouais. Parce que là-bas, les perspectives, tous les bâtiments, ça me fait kiffer. J'étais déjà allé en 2014. Bon, je faisais pas beaucoup de photos, mais maintenant, en y repensant, je me dis que c'était vraiment sympa. Et un dernier vœu, pourquoi pas, ce serait peut-être de faire le tour du monde avec quelqu'un ou en solitaire, mais plus quelqu'un, je pense, et réaliser justement des vidéos aussi. Et puis voilà. Et faire kiffer les gens sur ton compte Instagram. Ça, c'est le principal, ça. Et du coup, là, tu dis partir avec quelqu'un, t'es assez vague. Est-ce que tu as une personne en particulier que tu aimerais shooter? Vraiment la personne que tu as le choix dans toutes les personnes du monde, tes contacts, les personnes sur Instagram, des influenceurs, des stars, des acteurs. J'avais pensé. Par Mathéo. Pensé. C'est pas forcément une personne, mais pourquoi pas faire de la photo de sport, en particulier de la photo de foot, tu vois, j'aimerais bien. Ouais. Ou sinon vraiment une personne en particulier que j'aimerais bien, ouais, pourquoi pas Mister V. Vraiment, moi, il me fait kiffer, tu vois. Et d'accord. Ça me ferait taper des barres, shooter avec lui. Et bah, je te souhaite qu'un jour tu puisses réaliser ça. Ouais, écoute, on espère. Ok, parfait. Et bien je te laisse pour l'instant, on va revenir après. Pour l'instant, on a parlé voyage. Tout à l'heure, je te parlerai d'un youtubeur voyage, tu me diras ce que t'en penses. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un petit collectif de jeunes rappeurs réunionnais qui s'appelle Black Joe. Donc ils ont entre 16 et 18 ans. Ce groupe compte environ 13 MC et un beatmaker. Donc à l'origine, c'était un groupe de potes qui kickaient dans leur coin. Et ils sont maintenant unis sous ce nom depuis juin de cette année. Chaque semaine, vous pouvez découvrir de nouveaux freestyles publiés sur leur compte Instagram. Et leurs sons sont diffusés sur YouTube. Tapez Black Joe Squad. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter leur dernier morceau, Le début de la fin, de RELF avec Merlin et Rulio. C'est parti. Un petit moment que je rappe, un petit moment que j'ai des choses à dire. Depuis l'époque où ça fumait de la frappe, il n'y a pas que sur le joint que je tire. Et l'ami, tiens-toi bien, à neuf dans l'auto, bien sûr qu'on est sain. Regarde-toi, regarde-moi, regarde les miens, regarde les tiens. Je te crache dessus, tu n'es qu'un vulgaire chien. Hey yo, je continue et je vais monter le niveau. Ils se disent, mais qui est-il pour monter si haut? RAF enchanté, je me suis pas présenté. Jeune dis, mais aux yeux bridés, un peu trop souvent zamalisé. Ouais, zamalisé. Oh putain, regardez-moi ce putain drogué, oh, pas besoin de préciser d'où je viens, et non, 72 gravé dans mon cœur, au cutter, j'ai la haine qui coule dans mes veines. 974 dit de la traite et de tortures obscènes. Asie comprend beaucoup et moi mine à la rage. Mon couleur marron, il reflète le métissage. Mes mains, ma va bataille pour gagner, un peu comme mon bon ancêtre. Yo, esclaves, tué. Chacun son tour, on se passe le microphone. Attends, passe-moi deux feuilles qu'on se roule un gros conagramme. Une feuille et rejoins-nous sur Mars, tellement height. On voit des zombies de tout part, ouais putain. Tout seul la paix, mais tout ça, bref. Ces politiciens sont tous sans état d'âme, ouais. S'il y a que la vérité qui blesse, pourquoi sortir les armes? On fait partir la politesse depuis que les paroles sont des actes. Le monde est rempli de rivaux pour divertir la foule. Et on impose des niveaux pour diviser les poules. Pour diviser les poules. Hey yo. Hey yo. On m'a dit parle de choses bien, de choses saintes, plus de c'est ça. Alors j'ai parlé du destin, de la fin et de mes craintes. On m'a dit parle de choses bien, de choses saintes, plus de c'est ça. Alors j'ai parlé du destin, de la fin et de mes craintes. On m'a dit parle de choses bien, de choses saintes, plus de c'est ça. Alors j'ai parlé du destin, de la fin et de mes craintes. Je dis ce que je pense, je mets pas les gants. Je dis ce que je fume, c'est pas légal. Je dis ce que je brûle, t'es souriant. Je dis ce que je mange, c'est pas halal. Je dis ce que je pense, je mets pas les gants. Je dis ce que je fume, c'est pas légal. Je dis ce que je brûle, t'es souriant. Je dis ce que je mange, c'est pas halal. Les chaînes se brisent et nous nous mettons à crier tellement fort, j'entends plus quand j'enclenche. Et on entend plus des histoires de guns que des histoires de cul. Beaucoup de jeunes de quartier vont finir au parlu. Trop de larmes ont coulé, trop de sourires effacés. La vie est nymphomane, elle nous a déjà tous baisés. C'est parce que le rap est devenu trop sélectif, car il privilégie l'argent au talent de l'effectif. Effectivement, animé de cette envie de cupidité, se rapproche d'un discours proche de la stupidité. N'ont plus d'idées, donc ils tombent dans la simplicité. Je vais pas fermer les yeux, être atteint de cécité. Miroir, miroir, sont les frérots les plus déterres. Milliards, milliards, c'est après qu'on les a fait taire. Ressent la fraîcheur de nos cesses, tous vos records on les surpasse. Ressent le talent dans la pièce, les poètes comme nous on les surclasse. Toujours la même, toujours le seum, quand tard la nuit tu finis seul. Je parle pas d'effrité, pour pas donner de crise cardiaque à la rhum. Big Flo Oli, c'est comme ça que je me réfère et je l'ai toujours travers. Car c'est avec lui qu'elle va passer l'hiver. J'envie l'ennui du rat mort, je mange mes mots pas faute d'avoir à graille. Affamé de perfection, on cherche toujours la faille. À soif et de faute de son d'imperfection, je bois la concu à la paille. Tu veux me tester, frérot, tu vas te faire mal. Y'a des camés qui veulent rentrer dans le cercle, mais si tu veux sortir, espère miracle. C'est la bac puis la gardave. Je check les freestyles du même hashtag. Personne m'arrive à la taille. Avec certaines dégaines, on pourrait se croire dans la rue de Prague. Ouais, ouais, dans la rue de Prague. Ouais, dans la rue de Prague. Yeah. Smartphone à la maquinesse, mais on meurt tous dans les pleurs. C'est le destin, t'attends ton heure, les aiguilles défaits, même sur ta montagoyeur. Alors pourquoi t'es seul? Parce que t'es seul, parce qu'elle est jeune. Parce que ton seul bonheur, c'est son malheur. Si t'ouvres les yeux, il y a trop de choses sales pour ta pupille. Du mal partout, alors quand le verre se plaint, le sac se vide. On ferme les yeux en espérant que tout se passe vite. Le mal prolifère comme Thomas More, je crée mon utopie. Le ciel est clair, la nuit est sombre, on bouffe le sommeil de nos nuits. Juste d'allitération, pense à ma tombe. C'est comme ça qu'on passe le temps ici. J'ai attendu la dernière minute que Sablier donne son dernier grain. Et j'attendrai que sonne la dernière heure, car c'est le meilleur pour la fin. Vous venez d'écouter Chill Bump. vous venez d'écouter Eddie De Preto, pas du tout non plus. Vous écoutez Moussa. Vous écoutez Moussa. C'est excessivement énervant. Bienvenue dans l'Arcosphère, en direct sur l'Arc. De retour sur Large, j'espère que tout se passe bien pour vous, vous écoutez l'Arcosphère. Aujourd'hui, on va pouvoir continuer avec Adam, on va parler d'un petit peu de photos, si ça te dit. Ouais, totalement. Donc Adam nous a partagé sa passion, il nous a expliqué un petit peu son projet depuis le début, là, depuis 2 ans qu'il fait de la photo, il parle de voyage, etc. Moi j'ai une question à te poser, on sait très bien que la photo et la vidéo deviennent de plus en plus importants sur les réseaux sociaux, etc. Que de plus en plus de monde publie énormément. quels seraient pour toi les premiers conseils de photographe même pour faire de la photo de bonne qualité, mais assez simplement? Alors, à mon avis, déjà pas forcément avoir acheté le meilleur matos. C'est-à-dire que même avec... Bah moi, j'ai commencé avec un matos qui valait déjà quand même 200-300 euros. Donc c'est déjà un budget. Investissement, ouais. Mais de nos jours, tout le monde a un bon téléphone, entre guillemets, on va dire. Et il suffit juste d'être original. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une photo à hauteur d'homme, on va dire, changer de perspective, changer de hauteur, essayer de trouver des lumières qui changent. On peut faire de la photo partout, même si c'est un endroit qui est très très connu, qui est déjà pris en photo, qui a déjà été pris en photo plein de fois. On peut toujours trouver un petit angle qui change. Et surtout aussi, ouais, voilà, comme je me répète, mais l'originalité, quoi. C'est vraiment une des choses que je me mets en tête quand je fais des photos, quoi. Donc changer le point de vue en haut, en bas. En haut, en bas, par exemple. Tout tester, peut-être même inverser la photo, enfin tout. Il n'y a pas de mauvaise chose en photo. Il y a des gens qui se mettent sur des règles comme quoi faire ça, faire ci. Mais non, faut tout tester. Ouais. On découvre toujours des belles choses. Donc. C'est Relsan, je crois qu'il disait dans un morceau qu'il fallait pas forcément avoir arrêté de dire qu'on n'a pas de matos, du coup on peut pas faire de vidéo ou de photo, enfin juste avoir un téléphone, juste avoir la bonne idée, quoi. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de matos, qu'on n'a pas l'argent pour se payer un matériel et faire des belles photos, trucs comme ça, on peut faire avec rien, quoi. Ouais, je le rejoins totalement, c'est exactement ça. Et au niveau de la retouche photo, parce que je sais que tu as mis dans une de tes stories ou de tes posts Instagram il y a pas très longtemps, quelqu'un qui te posait la question de savoir si tu retouchais toutes tes photos, et tu avais dit évidemment je retouche toutes mes photos, en tout cas je les retravaille un minimum. Du coup, même si on fait une photo avec le téléphone, assez simple, etc., comment tu conseillerais de les retoucher? Ah bah, il y a toujours des petits logiciels de retouche sur téléphone, donc, par exemple des logiciels qui sont plus connus que sur PC, il y a Photoshop et Lightroom qui sont aussi maintenant sur téléphone, ouais. Donc très performant pour avoir testé, ça commence à se rapprocher vraiment d'un de l'application truc. Sur ordinateur. Exactement, bon, ça change toujours, évidemment ça sera pas pareil, mais ça reste quelque chose de très très poussé. Et sinon, il y a toujours les applications de base dans votre téléphone, en fait, pour changer les lumières. Ou même par exemple, si vous publiez sur Instagram, il y a des petits... on peut retoucher maintenant. Il y a carrément des petits outils de retouche sur Instagram. Donc on peut toujours retoucher. Et comme je répète, j'avais dit sur mon Instagram, aux gens qui pensent que retoucher, c'est tricher. Ouais. En fait, moi, quand je dis, c'est que j'explique. Quand je fais une retouche, je pense à montrer ce que je voulais montrer de base sur la photo, mais du coup quand on prend une photo avec la lumière, c'est pas forcément ce qu'on obtient en vrai, et du coup avec la retouche on peut donner le vrai côté de la photo, en fait. Ouais, vraiment retranscrire l'idée que t'avais au moment où l'émotion, c'est ça, exactement. Je vois. Je vois parfaitement. Je vais passer à la rubrique suivante. Est-ce que t'aimes voyager, si, parce qu'on sait qu'Adam il aime voyager, mais est-ce que toi j'aime t'aimes voyager? Beaucoup voyager, surtout un peu moins en famille, pas vous le cacher, mais avec des potes c'est toujours pas mal, quoi. Est-ce que tu kiffes les belles photos et surtout la belle vidéo? Et bah bien sûr. Alors j'ai un youtubeur qu'il fallait absolument que je te fasse découvrir. Allez. Il s'agit de Greg The Way, un youtubeur voyage. C'est pas un gars avec un van Mais oui, il nous emmène dans Henri, son camping-car, dans lequel il nous partage sa van life à travers un road trip européen, notamment. Donc il visite le Portugal, l'Espagne, l'Italie, les pays de l'Est aussi, comme la Slovénie par exemple. Donc à travers toutes ses vidéos, il cherche à transmettre son goût du voyage, son envie d'explorer et surtout sa soif de liberté. Mais le meilleur n'est pas là. Ce jeune Belge se démarque par la qualité de ses vidéos qui sont réellement époustouflantes et de qualité professionnelle, malgré son studio mobile et rustique. Donc c'est un excellent exemple, de digital nomade, puisqu'il arrive à mélanger voyage et son activité de vidéaste. Je vous laisse découvrir tout son beau travail sur sa chaîne YouTube, tapez Greg's Way. Quel est votre prochain voyage, les gars? Alors, avec ma famille, on avait parlé d'un voyage, mais dans un pays froid. Ouais. J'avais fait Dubaï et le Mexique. Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que ça pourrait être sympa, mais on pensait peut-être au Canada ou l'Islande, pourquoi pas. C'est vraiment des pays qui m'attirent énormément pour la photo. Avec des paysages qui sont du coup époustouflants, mais dont on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est pas... Ouais, bah après ça dépend ce qu'on suit par exemple sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais moi, mes expériences, c'est j'ai souvent fait des pays chauds, en fait, et du coup j'ai envie de changer pour voir ce que ça donne, et changer de type de photos, si on va dire. Ouais, des paysages vraiment différents. Et toi, ça se regarde aussi? Ah, moi je sais pas, mais j'ai beaucoup d'envie quoi. Les États-Unis, ça me fait beaucoup. Ça, j'ai jamais encore été aux États-Unis. J'ai été aux Bahamas il y a pas longtemps avec un copain. Et je suis passé vite fait par les États-Unis, mais très vite fait. Mais ça m'intéresse beaucoup d'aller à Los Angeles, trucs comme ça. Et sinon, tout ce qui est pays asiatique aussi, le Japon, ça fait rêver. Nouvelle technologie. Une façon différente de vivre. Donc, voilà. Découvrir de nouvelles cultures, ouais, voilà, de nouveaux paysages. Et surtout, mais j'aimerais bien aussi ce qu'est les pays d'Afrique centrale, trucs comme ça, genre, pas forcément en humanitaire, mais aller découvrir des populations et trucs comme ça, quoi, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ce genre de choses à travers des vidéos. Enfin, on montre pas beaucoup ce qui se passe là-bas, et ça serait intéressant, ça serait carrément différent des voyages touristiques qu'on peut faire d'habitude, quoi, la rencontre des populations et trucs comme ça. Dans l'été, dans les pays en plein milieu de l'Afrique, quoi, et ça serait cool de faire ça aussi, ça me ferait envie, quoi. Vraiment un voyage un peu plus route, sac à dos et aller au contact de ouais, la... Même en tant qu'humanitaire, hein, ça me ferait bien kiffer de faire l'humanitaire, quoi, mais c'est pas accessible à tout le monde, mais si un jour j'ai l'occasion de le faire, ça peut le faire. Ok, mais merci les gars. Et toi? Et moi? Oui, bah oui, toi. Moi j'aimerais commencer par les voyages extrêmes. J'ai voyagé, enfin j'ai pas mal vécu moi, en étant petit dans les îles, donc tous les paysages un peu tropicaux, etc. je connais. Et moi ce qui me ferait kiffer, ça sera les voyages extrêmes, c'est-à-dire soit aller partir comme toi en Islande, dans les pays du Nord, vraiment où l'air glacial, quoi. Ou alors carrément dans le désert. Vraiment faire les antipodes, les deux extrêmes de notre planète, ce serait vraiment le premier voyage que j'aimerais bien faire. Après évidemment découvrir la population, découvrir de nouvelles cultures. Je pense que c'est ça un peu l'essence du voyage. C'est exactement ça. Mais merci. Adam, il paraît que tu nous as rapporté un petit son. Ouais. Alors je vais vous présenter J'aime bien de Joss Man. Donc il y a un son qui est sorti dans l'album qui s'appelle Joss. Le 14 septembre. Ouais, très bon album. et en fait, du coup, bah, moi je vous présente ce son parce que moi j'aime bien les musiques assez calmes, mais elle est très posée et ça me fait penser en fait à une personne et du coup je me reconnais dans cette musique. D'accord, bon, on écoute ça tout de suite. J'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux. Moi j'aime bien ton petit regard malicieux. J'aime bien quand tu te dessapes dans mon pied. J'aime bien quand on est deux. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te caresse. Et je sais que t'aimes pas trop quand je m'arrête. J'aime bien quand je tire tes cheveux bien dans la rue. J'aime bien tout ce que tu fais. J'aime bien ta bouche sur le bout de ma haie. Je sais que t'aimes bien le bout de ma haie. Et tu kiffes quand je sur tes haies. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien ce que tu représentes, je fais des efforts. J'aime bien tes seins, tes seufs, j'aime bien tes formes. J'aime bien ta face, ta bouche, j'aime bien ton corps. Je t'aime bien. J'aime bien écouter son quand je pense à Watt. Je sais que t'aimes bien ce que je fais avec mes watts. Fais ta hip tant qu'après tu me rejoins. On roule, on baise, on roule des joints. Déshabille-toi, c'est plus tard la romance. On fait l'amour, après on recommence. Avec toi c'est fou ce que j'aime le sexe. Retourne-toi, mets-toi sur le texte. Tu parles pas noir, tu me prends jamais la tête. On le fait sans gêne, on le fait sans latex. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te touche. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te couche. J'aime bien le matin ou juste après la douche. J'aime quand tu cries avec mes doigts dans ta bouche. J'aime bien te regarder, je sais que tu simules jamais. J'aime bien quand on finit en simultané. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. Yeah. Yeah. Thank you. Ou tu sors ou je te sors, mais voilà, prendre une décision. Bienvenue dans l'Arcosphère, en direct sur l'Arc. De retour sur Large, après l'interview d'Adam. Alors, j'ai une nouvelle chronique que je vous présente, ça s'appelle J'y crois pas. Alors, c'est un top 3 que je vous ai concocté, c'est des infos de ouf. Alors, dans cette chronique, je vais vous faire découvrir des choses impressionnantes. Vous allez pouvoir ressortir ça en soirée ou dans les repas de famille. Alors, écoutez-moi bien. Donc, un top 3 de folie, je précise que tout ça, évidemment 100% vrai, c'est des sources vraiment fiables, il n'y a aucun canular. Alors, c'est parti. Alors, en troisième position, je vous donne directement le titre, c'est une intelligence artificielle pour détecter les mensonges aux frontières. Alors, c'est une intelligence qui s'appelle iBorder CTRL. Donc, c'est l'Union Européenne qui s'apprête à utiliser cette intelligence artificielle dans 4 postes de frontières. Alors, en fait, elle va lire et analyser le langage corporel des personnes passant la frontière de l'espace Schengen en leur posant différentes questions. Et en analysant les détails inconscients du visage, comme par exemple les micro-mouvements, quoi, l'intelligence artificielle pourra déterminer si la personne, elle ment ou elle ment pas. Alors, si l'intelligence artificielle suspecte que la personne ment, elle demandera à ce qu'un humain vérifie l'identité et le contenu des bagages de la personne. Et si, au contraire, l'intelligence artificielle pense que les réponses sont sincères, elle remettra un QR code à la personne et celle-ci pourra passer la frontière sans aucune formalité et donc basée sur un langage non verbal. C'est un truc de ouf. Mais oui, ça va révolutionner nos frontières. C'est-à-dire que du coup, on ferait confiance totalement à l'intelligence. C'est ça le problème. Enfin, moi, c'est la question que je me posais. Exactement. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à mentir ou ceux qui passent incognito. Ouais, enfin, après, tu vois, ça détecte. Mais après, eux, ils vont bien vérifier la personne. Tu vois. Donc, après, si elle a vraiment rien à se reprocher, c'est bon. Mais c'est juste histoire de détecter, quoi. Et après, le problème, c'est si elle détecte pas des personnes, genre voilà, c'est ça. Poutine, tu te fous devant la caméra. Hein. C'est impossible de détecter s'il ment ou quoi. Donc, ouais, c'est vraiment basé sur les mimiques, en fait. Et je trouve ça juste ouf, en fait. Mais du coup, c'est quelque chose qui est déjà mis en place ou pas encore ? Qui va être mis en place. Mais ça a été signé et tout. Ça va être mis en place. Et dans les frontières de l'espace Schengen ? Ouais, dans 4 frontières. J'ai pas les frontières exactement lesquelles, mais c'est dans 4 frontières en Europe. D'accord. Voilà, ce sera. Je pense que c'est technologiquement parlant impressionnant, mais. Le futur. Bah oui. Ouais, à voir comment ça se. Voir comment ça. Mais c'est sûr que ça va évoluer avec l'iPhone, dernier iPhone qui, avec la reconnaissance faciale, tout va être. Et ben, en parlant d'iPhone, en seconde position, c'est la sortie enfin de la première tablette qui fait portable numérique avec un écran flexible. Et ouais, alors nous attendons à ce que Samsung ou Huawei ou encore LG soient le premier à dégainer le premier smartphone pliable du marché. Finalement, surgissant de nulle part, c'est un fabricant chinois presque inconnu qui sort le premier téléphone pliable. Alors le constructeur en question se nomme Royole et le smartphone FlexPay. Alors des caractéristiques techniques impressionnantes sans rentrer dans les détails, une capacité de mémoire de 500 Go, une batterie endurante et rechargeable rapidement, et tout ça à un prix, ouais, parce que ça coûte cher, c'est relativement coûteux, c'est entre 1200 et 1300 €, et donc c'est dispo en précommande depuis le 31 octobre, donc c'est pas encore officiellement sorti, mais les gens peuvent le précommander, et ça sort d'ici fin novembre, enfin les gens recevront ce téléphone là d'ici fin novembre chez eux. Faudra attendre les premières commandes pour voir ce que ça donne. Ouais, mais ouais, c'est les premiers, c'est un fabricant que personne connaît, ils ont sorti ça, donc en fait ça forme une tablette, et en fait on peut le plier en deux. Comme on veut, quoi. Donc après, par contre, ça devient un peu épais, ça reste assez lourd, je crois. Mais enfin, c'est un truc, genre l'écran LED, quoi, il peut se flexer, il est complètement flex, quoi. À tester, quoi. Ça va être impressionnant. Attends de voir, bien sûr. À tester, ouais, j'ai vu la bande annonce, je la mettrai sur le Facebook Artmosphère si vous voulez, du produit, et c'est vraiment impressionnant, quoi. Je trouve pas ça hyper coûteux, moi. Un iPhone 10, par exemple, ça vaut combien? C'est 1100, 1200, ouais, à peu près. Voilà, c'est presque la même chose, moi, je trouve. Ouais, c'est Prix des iPhones ou des smartphones qui commencent à monter de plus en plus. Non, mais là, c'est un truc genre vraiment que c'est une marque que pratiquement personne connaît, quoi. C'est un téléphone vraiment chinois, quoi, qui sort ça, et c'est vraiment impressionnant, quoi. Je sais pas exactement les caractéristiques, comment ils ont fait pour faire ça, faire plus de recherches, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Trop stylé. Et la dernière, c'est la plus folle, donc c'est le numéro 1. On entend un peu parler un peu partout, on voit ça dans les articles, dans les journaux, c'est un sujet à grand débat. C'est la Chine qui a pour projet d'envoyer une lune artificielle dans l'espace pour éclairer la Terre. C'est même pas un projet, c'est qu'ils vont le faire. Alors ça peut paraître fou, mais oui, le satellite équipé d'un grand miroir dépliable serait chargé d'illuminer la grande ville de Chengdu et devrait être 8 fois plus lumineux que l'astre luminaire. Donc la source de lumière artificielle pourrait également être utilisée après des catastrophes naturelles en déviant les rayons soleil vers les zones terrestres où l'alimentation électrique a été coupée. Donc l'envoi de la lune artificielle est prévu pour 2020 et si ça fonctionne bien, 3 autres seront envoyés en 2022. Donc les Russes avaient déjà essayé dans les années 90 de faire ça, mais suite à la chute de l'Empire soviétique, ils n'ont pas pu financer le projet. Alors moi, ma question, ce que je me pose, c'est quel sera l'impact du coup sur la biodiversité des plantes, etc. Il y aura du soleil tout le temps, en fait, ça sera tout le temps éclairé. Quoi. Il y aura des choses qui peuvent moduler et choisir. Ou replier, Vraiment, ça se déplie la nuit et en fait ça renvoie la lumière du soleil sur la ville pour que ça éclaire et faire des économies d'énergie. En fait, c'est ça le but, faire des économies d'énergie. D'accord, donc que ce soit le jour tout le temps, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'on pourrait dire c'est un projet, tu vois, c'est un truc futuriste, mais pas du tout. En fait, ça va vraiment être envoyé en 2020 et le truc est prêt et ça va être envoyé dans l'espace en 2020 et ça sera mis en place pour éclairer. La technologie est toujours plus folle. Mais c'est vraiment. on sait plus où ça va s'arrêter quoi. Mais je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant quoi. Enfin, il y aura un gros truc gigantesque dans le ciel qui éclaira, ça fait 20 mètres de diamètre en tout. Et ça éclaira toute une ville entière quoi. Ah, c'est un peu un double tranchant parce que si on lance ça dans l'espace et que ça marche très bien, donc on en met plein d'autres, ouais. On va se retrouver avec des, c'est ça, des ciels. Des ciels miroirs quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura des. Le soleil diminué. Mais après, comme t'as dit, ouais, si c'est pour les catastrophes naturelles, pour pouvoir recréer, pouvoir éclairer et recréer les bâtiments, enfin tout nettoyer, etc., ça peut être intelligent. C'est intelligent comme machine. Mais après, faut pas que ça ait d'impact sur la biodiversité, c'est ça le problème. Quoi, parce que si les plantes, souvent c'est avec la nuit et le jour, etc., ça a été créé, c'est pas pour rien. Donc s'il y a du jour toute la journée, je pense que ça peut être. Même pour les animaux nocturnes. Mais là, il y a déjà 4 qui ont été créés, enfin, ils ont 4 qui ont été terminés, ils en envoient un pour tester, et si ça marche bien, ils envoient les 3 autres en 2022. Et c'est chinois. Et on attend de voir. Toujours les chinois. Mais carrément. Alors maintenant, tu vas nous présenter un article qui s'appelle Overwork, c'est ça ? Exactement, de son vrai nom Edmond Huszar. C'est un Canadien, producteur de musique, DJ et aussi graphiste. Son style est house avec de profondes lignes de basse et des envolées assez majestueuses, voire même orchestrales. Sa carrière a commencé en 2010 et en plus de nombreuses reconnaissances dans les magazines du milieu, il est également connu pour son remix de Razor B de Clean Bandit. On écoute un extrait tout de suite. Sur toutes les plateformes et également sur YouTube pour une partie de son travail. Je voudrais vous faire écouter maintenant un son de son EP State sorti en septembre 2017. C'est un petit peu vieux, mais c'est toujours aussi bon. Ce son est Électricité. C'est une collaboration avec Aestis. C'est parti. It for me, it's not enough. Is this possession or modern love? Is there a body beneath the screen with human-like features resembling? Thank you. bienvenue dans l'Arcosphère, en direct sur l'Arc. De retour pour clôturer cette émission. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je voudrais faire une spéciale dédicace, un remerciement à Vamalfast. Allez voir sa chaîne YouTube, c'est lui qui nous a fait tous les jingles, tout l'intro aussi au début de l'émission. C'est lui qui a tout fait de lui-même via son ordinateur, on l'a fait ensemble. Mais ça, il est vraiment très très fort. Tous ceux qui aiment tout ce qui est son teuf, son qui envoie boum boum, allez-y tous. C'est Vamalfast sur YouTube, merci encore à lui. Et merci à Mathéo qui était avec moi tout le long de l'émission. Pour Atmosphère, encore une nouvelle édition qui s'est super bien passée. Bah ouais, merci Adam surtout d'être venu. Merci Adam. C'était avec plaisir, c'est une première fois, une première expérience, mais très très bonne. Ah, tu t'es bien débrouillé. Non, merci de nous avoir partagé ton expérience de photographe, c'est super intéressant. Et puis on a pu parler de voyage et tout, c'était génial. Ouais, super bonne émission. Sur Atmosphère, comme d'habitude, on est là. Et c'est notre deuxième émission parce que la première c'était insolent. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Artmosphère ART'MOPHERE. Allez tous voir, on a mis les dernières émissions en podcast. Donc vous pouvez tous retrouver ça sur la page Facebook. Et donc voilà, à très bientôt pour la suite. Voilà, merci. N'hésitez pas à nous suivre également sur le compte Instagram, toujours Artmosphère. Ouais, un compte Instagram qui a été créé, ouais. Et puis abonnez-vous. Vous pouvez réagir par rapport à ce qu'on a dit, de ce qu'on a discuté dans l'émission, que ce soit les voyages ou les infos. Style dont vous avez partagé, ouais, les applications aussi, ou la série si vous a plu, vous l'avez regardé après la chronique que je vous ai faite. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, réagissez tout ça sur Artmosphère, la page Facebook et maintenant le compte Instagram. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On va la clôturer avec un son qui s'appelle 2TH. C'est un jeune rappeur qui vient tout juste de percer. Il a 17-18 ans et il est très très très très bon. Merci à tous d'avoir suivi l'émission sur Large. C'était Cyprien en compagnie de Mathéo avec Adam, notre invité. À très bientôt sur Large. C'était Artmosphère. Merci à tous. Il chantait Amstram, gramme, piqué, collé, gramme, maintenant c'est hamster. T'as mis speaky, speaky contre les grammes. Vois-tu que les gens changent à une vitesse folle? Et que chaque jour nous pousse vers notre fin. Ce monde de deux fous est rempli d'hommes qui se cherchent, mais qui n'ont jamais le temps de trouver qu'ils sont, ou de prouver qu'ils savent aller où bon leur semble. T'as beau vivre des années, tu n'y trouveras pas le sens. Donc ne fuis pas, c'est pas la mer à boire, juste un whisky coca pour te faire partir autre part. Ne jacte pas si tu sais pas de quoi tu parles. Ferme-la avant qu'on te demande ce que tu baves. Y'en a qui rêvent leur vie, nous on veut vivre nos rêves. On veut que nos vœux soient exaucés sans que l'on bouge nos lèvres. Donc sur une fuite de bar, j'écris des textes de rimes riches. Cette ville qui ravive mes espoirs les plus minimes. Cette cité lumière qui est dans la pénombre le soir, mais plus que familière quand elle scintille dans le noir. Une forte envie d'étinceler, mais c'est impossible d'effacer les erreurs du passé restées marquées dans nos têtes. C'est la vérité, c'est qu'on cherche des filles un peu trop parfaites, pas trop coincées, pas trop tassées, mais bien stylées, prêtes à baiser. Toucher, c'est l'état parfait. Y'a aucune meuf à tout faire si tu t'engages. Sois prêt à ce qu'on s'occupe de tes affaires, les femmes. Un vrai sujet de discussion entre plan cul, sentiment, état d'âme et restrictions. Ils te contrediront pas si tu dis que les garçons déconnent. Peut-être qu'elles te tueront si tu dis que les filles sont déconnes. Les gens sont fébriles, brillent comme la tour Eiffel. L'effet de style, t'es fait de vrille. En fait, je ris de ces rebelles. Chanter Amstram, gramme, piqué, collé, gramme. Maintenant c'est Amsterdam, speaky, contre les grammes. Vois-tu que les gens changent à une vitesse folle? Et que chaque jour nous pousse vers notre fin. Ce monde de fous est rempli d'hommes qui se cherchent, mais qui n'ont jamais le temps de trouver qu'ils sont, ou de prouver qu'ils savent aller où bon leur semble. T'as beau vivre des années, tu n'y trouveras pas le sens. Donc ne fuis pas, c'est pas la mer à boire, juste un whisky coca pour te faire partir au pas. Ne jacte pas si tu sais pas de quoi tu parles. Ferme-la avant qu'on te demande ce que tu baves. Et ne fuis pas, c'est pas la mer à boire, juste un whisky coca pour te faire partir au pas. Ne jacte pas si tu sais pas de quoi tu parles. Non, ferme-la avant qu'on te demande ce que tu baves. Aujourd'hui c'est l'été, je crois qu'il se fait tard. Les mômes se font taire et les jeunes sont fait tard. Les mecs sont aux aguets, dans les boîtes ils dorment pas. Ouais, ma petite barba, ils ont pas vu ton tarpé. Ouais, y'a que des tarbas, les choses sont à refaire. Pense avec ta bite et baise avec ton beau serre. Un début de soirée déjà assaisonné. En soi, même si j'ai bu, j'en ai assaisonné. Les oui, ces soirées t'amuses car l'alcool fait tomber les masques. Ouais, tu ne parles pas des masques, mais quand t'es bourré, tu démarres. C'est souvent vers la fin que je vois que j'ai trop teasé. Truc de dingue à quel point un bout de m'hypnotiser. Je sais que tu t'énerves si je lâche un soupir. Et que tu me caressais avant que je m'assoupisse. C'est vrai qu'on me critique parce que je t'insultais. Et depuis qu'on s'est quitté, c'est devenu un supplice. Et ne fuis pas, c'est pas la mer à boire, juste un whisky coca pour te faire partir autre part. Même si je sais que tu ne fuis pas devant l'effort. Pourquoi veux-tu faire des choses si tu ne sais pas comment les faire? T'as tenté de kicker et on t'a dit de te casser. Mais tu rêves de dédicacer tes potes dans tes futures cassettes. Traité de bras cassés depuis l'époque des bacs à sable. Ils t'ont peut-être dit que tu serais pas stable quand ils ont vu que t'étais pas sage. Ils t'ont prédicté d'être pas sage. Et vu que t'étais pas serein, que ce que tu veux dépasse le rêve. J'espère que ça te passe. Nos actions dictées par ce monde et le temps passe par seconde. En attendant tu vagabondes, en attendant que les phases abondent. T'avances bout à bout, pas tout d'un coup mais de but en but. Pourtant t'as pu voir que partout dans ce monde tout était tabou. Pour ça que ta tête est tabou et que ta peau tapait ta peur. Qu'on t'attaque, qu'on touche à ton cœur. Tu détestes les contestataires, tu es l'addict de dictateur. Aucune parole n'agit ton cœur, des gens censés te dictateur. Mais censés c'est du dictateur. Et tu t'adaptes au monde en tentant d'être stylé. J'essaie de le changer en un coup de stylo. Les gens font ce qu'ils veulent, ils souhaitent être esquivés. Mais vu que tout tous équivaut finalement, qu'est-ce qu'ils valent ?